dire à tous ceux qui me comparent, c'est des ouf, eux et moi, y'a trop de flow d'écart. On a pas les mêmes rimes, non, pas les mêmes flows, pas les mêmes gym, non, pas les mêmes mots, pas les mêmes délires, pas les mêmes délits, pas les mêmes pays, pas les mêmes pros. Je navigue dans les rapés comme un petit croco, la tête sur les épaules, j'ai mûri trop tôt. Les sous concurrents, un petit copo, faut pic, clash ou qui propose, j'ai 4 ans ou des pilons, et c'est reparti. J'suis comme un moteur de fée, si t'appuies, ça part vite, nous, dans ce mec, on s'est fait, jeune polax, va tout cacher. J'te mens pas, j'aime placer, si t'es fraîche, j'vais tout casser, j'vais siroter comme un thé glacé. J'ai vu les millions de vues, ça fait plaisir d'avoir. Merci, mais c'est rien, à côté de ça, tu fais peine à voir. T'as pris le seum, continue, c'est bien, j'prends la Zoublovska. Après les concerts, elle fait toutes nos séries, y'a des crew de l'obs. Ça devient technique, des clics avec des boules comme ça. Mais on sait gérer, faut accélérer, nous on bloque ça. J'ai encore peur du daron de ses réactions, hey, j'te parle en ça. Début d'une nouvelle ère, début de la galère. Faut la compile, ça va être technique. Que personne ne m'énerve, que la boîte bénéf. Si tu t'amuses à lancer des pics, fils de, t'es mort dans l'œuf. Comme si tu venais taper trois keufs, fils de, je leur mets dans le duc. Je vise le sommet, je frappe le but. Petit con, regarde-moi dans les yeux quand je te pose. C'est les balles tringues qui tournent leur gars. On me le répétait sans cesse quand j'étais môme. Qui s'étonne pas que je kiffe la bagarre. On a pas les mêmes rimes, non, pas les mêmes flows. Pas les mêmes teams, non, pas les mêmes mots. Pas les mêmes délires, pas les mêmes délits. Pas les mêmes pays, pas les mêmes hoes. Nouvelle mixtape, nouveau flow. Nouvelle mixtape, nouveau flow. Nouvelle mixtape, nouveau flow.